50 languages. 39. 39. La panne de voiture. La panne de voiture. أين هي أقرب محطة للوقود؟ Où est la station-service la plus proche? Où est la station-service la plus proche? عندي إطار مثقوب. J'ai un pneu crevé. J'ai un pneu crevé. هل يمكنك تبديل الدولاب؟ Pouvez-vous changer le pneu? Pouvez-vous changer le pneu? أنا بحاجة إلى عدة لترات من المازوت. J'ai besoin de quelques litres de diesel. J'ai besoin de quelques litres de diesel. لم يبقى لدي بنزين. Je n'ai plus d'essence. Je n'ai plus d'essence. هل لديك خزان إضافي؟ Avez-vous un jerrycan? Avez-vous un jerrycan? أيمكنني الاتصال بالهاتف؟ Où puis-je téléphoner? Où puis-je téléphoner? إني أحتاج إلى خدمة صاحب السيارة. J'ai besoin d'un service de dépannage. J'ai besoin d'un service de dépannage. إني أفتش عن ورشة تصليح. Je cherche un garage. Je cherche un garage. لقد وقع حادث. Un accident s'est produit. Un accident s'est produit. أين أقرب هاتف؟ Où est le téléphone le plus proche? Où est le téléphone le plus proche? هل لديك هاتف نقال؟ Avez-vous sur vous un téléphone portable? Avez-vous sur vous un téléphone portable? نحتاج إلى مساعدة. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. أطلب طبيبا. Appelez un médecin. Appelez un médecin. اتصل بالشرطة. Appelez la police. Appelez la police. أوراقك من فضلك. Vos papiers, s'il vous plaît. Vos papiers, s'il vous plaît. إجازة القيادة من فضلك. Votre permis de conduire, s'il vous plaît. Votre permis de conduire, s'il vous plaît. أوراق السيارة من فضلك. Votre carte grise, s'il vous plaît. Votre carte grise, s'il vous plaît.